pas fait mon dollar. Tu pas fait mon dollar. Tu pas fait mon dollar. Tu pas fait mon dollar. Ma peine, je vois ma peine, je vois mon. Ma peine, je vois ma peine, je vois mon. Lanti à mon maman. Emi nuru, tabi jago lo beru, jori re nuwe lo nambo.